Charline, j'aurais pu déchanter à l'idée de vous retrouver, j'aurais pu être déjantée pour ce passage d'antenne, j'aurais pu me déganter pour vous serrer la pogne, j'aurais pu démentir toutes les allusions fallacieuses à votre endroit, mais vous avez choisi d'échanger Rome pour enchanter votre après-midi, je m'incline et à votre écoute, je me détends. Oh, la classe, hein. Laetitia Gaillet, cette classe internationale. Donc, dans la Pléiade. C'est énorme, c'est Laetitia Gaillet, c'est l'information et la poésie. La poésie et l'information, merci Laetitia, on vous retrouve. Et le prochain point sur l'info, ce sera bien sûr à 18h en attendant. Écoutez, comment nous avons préparé cette émission, c'était ce matin. Salut les amis! Salut Charline! C'était chouette hier l'émission. Ah ouais, c'était bien, mais pas de relâchement. Ok, d'accord, c'est pas le genre de la maison, hein, de toute façon. Vraiment, cette année, rappelez-vous, trois mots d'ordre, du contenu, du contenu. Et du contenu! Non, du travail. Ah, d'ailleurs, vous savez ce que les gens aiment dans l'émission. Ah bah oui, mes chroniques. Non, c'est mes vannes, ils aiment bien. Non, j'ai pas dit le truc que les gens supportent, Alexandre. Oui. Vous voyez pas? Non, je sais. Mais les sons! Les gens adorent les sons qu'on trouve et qui illustrent les sujets. Et donc, je continuerai à vous obliger à regarder des films le soir pour trouver des sons illustratifs. Hier, qu'est-ce que vous avez regardé? Ah bah moi j'ai regardé Papy fait de la résistance pour la 8e fois. Très bien. Et moi les tontons flingueurs pour la 14e fois. Formidable, parfait. Bon, et toi Guillaume? Moi j'ai regardé Rosetta des frères Dardenne pour la première fois. Mais enfin Guillaume, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est un film plombant, on va rien trouver dedans. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai rien noté sur mon calepin du tout. Mais Guillaume, il faut regarder la 7e compagnie, les trois frères, bienvenue chez les ch'tis, tu vois. Ah désolé, je savais pas. Bon Alex. Ah moi j'ai regardé Le plus grand pour la 4e fois, La ruée vers l'or. Bah attends, Non mais c'est de Chaplin ça. C'est le meilleur d'entre nous. Mais Alex, mais c'est un film muet. Oui, c'est ça. Problème. Bah donc t'as pas trouvé de son pour l'émission. Comment tu sais? Bon alors je vais sérieusement reprendre les choses en main. Ce soir, Guillaume, les galettes de Pont-Aven, Alex, toi t'es puni, Camping 3. Oh voilà. Non. Et puis les filles, tous les films de Max Pécasse. Voilà. Oh là là. Mais toi tu regardais quoi? Ah bah moi je vais regarder Les Sous-doués. Ça me fera penser à vous. France Inter, bonjour à tous, vous écoutez l'émission qui colorie l'actualité en dépassant les bords. Voici les trois informations qu'on va colorier avec plus ou moins de précision jusqu'à 18h. Dans la chaleur de l'été, le papier glacé a fondu devant Sarkozy et Juppé en short à la plage, torse nu. C'est 2017 qui va se jouer au corps à corps, qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je goûte peu la presse PO. Ah d'accord. C'est la semaine des ambassadeurs et comme les droits de l'homme, ça a eu payé, mais ça paye plus, le Quai d'Orsay a inventé le speed dating avec des entreprises parce que... My government is pro-business. Et il y a ceux qui vont à Disneyland et ceux qui préfèrent aller à Dismaland, le parc d'attractions en fin de course créé par l'artiste Banksy. T'as dit merci au moins, parrain, qui t'emmenait toute la journée. Merci, parrain. Et vous avez fait? Et d'aller à la fête foraine. Oh là, on est à la foire. Et je suis accompagnée d'un grand chorégraphe, oui, parce que chuter avec élégance à la fin d'une blague, c'est tout un art, et c'est celui d'Alex Vizorek. Jo, merci Charline Vanhoenacker. Et aujourd'hui, autour de la table, une belle équipe, du nouveau par rapport à hier, à 17h20. Elle a passé son été à faire des expériences scientifiques, notamment à prouver l'inverse de la poussée d'Archimède, arrivant à la conclusion que tout liquide alcoolisé plongé dans son corps après 2h du matin recevait une poussée de bas en haut égale au poids du volume du liquide. C'est notre scientifique Nicole Ferroni. Bonjour, monsieur Vizorek. Comment allez-vous? Oh, bah bien. Écoutez, aujourd'hui, je propose qu'on parle de la COP21 parce qu'il faudrait quand même que quelqu'un sache à quoi ça correspond en France. Si quelqu'un nous l'explique, ce sera vous. Voilà. À 17h30, sa famille nous l'a rendu après un été difficile car il avait emporté avec lui le micro France Inter pour interviewer sa maman, lui faisant avouer qu'elle était capitaliste et son père qui a confessé ses pouvoirs voter Morano à la présidentielle de 2017. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour, et oui, je les ai pendus. Je me suis rendu, moi, aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères, où est donc organisée la fameuse semaine des ambassadeurs. Alors, quelles sont les spécificités de la profession? Être un nomade, il y a une forme de nomadisme. Vous êtes un Rome, finalement, un peu. Non, ou alors un Rome de luxe. Voilà, donc rencontrer des Roms de luxe. Et à 17h40, alors lui, au début, il s'est passionné pour le sport car ça le rendait balèze et ça plaisait aux filles. Mais depuis l'an dernier, sa présence dans cette émission, les demoiselles craquent pour sa voix. Il a donc simplifié le circuit, il ne fait plus de sport, mais il continuera à en parler. Bonjour Samir Bouadi. Bonjour Alex, bonjour. C'est très gentil qu'elle accueille Adam, merci infiniment. Je vais vous parler un peu de perche, pas de perche à selfie, désolé Alex, mais j'aime bien moi. Mais de saut à la perche. Très bien. Si tu écoutes Scout J'annule tout est présent dans un monde virtuel. Sur Twitter, hashtag annule tout, et sur Facebook, devenez notre ami imaginaire. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un invité de référence qu'on appelle un référent de la République. Vous êtes né sous Vincent Auriol. Après avoir créé Les Deschiens, ils arrivent sur Canal+, c'était l'ère d'avant Bolloré, en 93, quand TF1 étouffe également la liberté d'expression en supprimant Tournée Manège. Vous devenez le directeur artistique du théâtre de Nîmes en 2003, lorsque la grève des intermittents conduit le Festival d'Avignon à annuler l'ensemble du IN, qui devient off malgré lui. Vous êtes nommé à la tête de l'Opéra Comique en 2007, quand on doit la meilleure blague de l'année à Nicolas Sarkozy, puisqu'il est élu président de la République. Vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer. Moi, je suis Jérôme Deschamps. Ah, ben voilà, c'est bien. Je me disais aussi. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Jérôme Deschamps, vous avez quitté la direction de l'Opéra Comique en juin dernier, atteignant la limite d'âge. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure lors d'un des sujets. Juste pour dire, vous n'êtes pas fait virer, parce qu'en ce moment, des fois, ça arrive. Non, pas dans moi. Vous auriez aimé ? C'était plus le mot ? Oui. Non. Non, parce qu'en fait, j'étais bien. J'étais content. Bah oui. J'étais. C'est pas évident. C'est des institutions quand même, il y a beaucoup de monde et tout ça. Mais j'ai pris ça comme un jeu. Vraiment. Et puis j'avais vu beaucoup de directeurs de théâtre un peu en promenant et tout ça. Et j'avais jamais pris ça complètement au sérieux. Je me suis dit qu'il fallait s'amuser. Alors je me suis bien amusé. Puis à un moment donné, je me suis fait dépasser parce que c'était tellement bien, tellement joyeux que finalement, j'ai eu un petit peu de mal à partir. Ouais, donc la fin de la récré qui sonne et vous êtes parti sur votre dernière mise en scène, Les Mousquetaires au couvent. Oui. Alors vous allez le rejouer à Toulon. J'ai lu ça. Les fêtes. Et voilà, par exemple. Et alors, à Toulon, et on le verra aussi sur Arte, ce sera retransmis. Exactement, parce que ça a été filmé, c'est pour ça. Filmé très joliment, vous m'avez dit. C'est pas d'idée, ça. Oui, très joliment. C'est un jeune réalisateur qui s'appelle François-René Martin. Il n'a pas un nom de jeune, mais il est certainement très jeune. Il est très jeune. Il est très jeune et très sympathique et il a beaucoup de talent. C'est-à-dire que vous êtes favorable au théâtre filmé ? Oui, j'aime. Non, oui. Ben, je vais vous dire deux. Alors là, sur ce sujet, j'ai soulevé la polémique là. Mais non, je suis. Je trouve qu'on fait plein de choses pour le spectacle vivant en France. Quand même, on donne beaucoup de moyens, même si on en donne un peu moins et que ça n'est pas bien du tout, surtout dans des périodes de crise comme ça, il faut donner plus. Mais il y a une chose qui est très grave, et c'est, à l'opéra c'est particulièrement grave, c'est que finalement il y a très peu de gens qui profitent de ça et qui voient les spectacles, qui coûtent quand même assez cher, il faut bien le dire. Et je trouve que ce serait bien la moindre des choses que les gens qui sont étudiants ou qui sont loin, qui sont trop vieux pour se déplacer, qui sont dans les hôpitaux, tu vois, puissent profiter de cette affaire. Et ben c'est pas du tout en place, mon ami. Et voilà. Mais alors, grâce à Arte, ce sera démocratisé. On pourra voir Les Mousquetaires au couvent. Oui. Et puis vous jouerez à Toulon du 27 au 31 décembre. Exactement. Voilà. Et puis vous allez rejouer une pièce de Michel Vinaver, Bettencourt Boulevard. Je vais même la créer. Ah bon ? Oui, parce qu'on ne l'a pas jouée. Ah, vous ne l'avez pas encore jouée, parce que j'ai le texte entre les mains. Ah voilà. Ah bah non. J'ai confondu avec Ils autre ont chose. Édité d'abord. Ça m'arrive souvent. En tout cas, elle a été éditée, j'ai l'ouvrage entre les mains. Donc Michel Vinavert, Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. C'est bien sûr l'affaire Bettencourt avec... Alors, vous avez gardé, l'auteur a gardé les noms. Oui. Chaque personnage a le nom des protagonistes. Donc, vous espérez pouvoir la jouer, surtout, c'est pas ça. Oui, ben oui. Non mais Vinavert, Michel Vinavert, c'est une sorte de poète... J'avais joué une pièce assez formidable de lui il y a quelques années qui s'appelait Iphigénie Hôtel, qui avait mis en scène Antoine Vitez. Je m'étais beaucoup amusé et voilà, ben là ça va recommencer. Mais c'est pas exactement la réalité, c'est une sorte de poète un peu corrosif, mais poète alors quand ça, même. Ça part des faits quand même, parce qu'il y a, y a pas mal de choses, ça part des faits, d'autant plus que donc je l'ai dit, chaque personnage garde le nom des protagonistes. Ils y sont tous, hein, François-Marie Bagné, Liliane Bettencourt, Nicolas Sarkozy, on l'embrasse. Claire Thibault, la comptable. Et par exemple, tiens, je prends un extrait. Claire Thibault dit à un moment, en parlant des petites enveloppes, enfin, de supposées enveloppes. Petites. Tout ça est bien sûr présumé, supposé, etc. J'appelle ça ma navette sacrée. Quand c'est le moment d'y aller, j'enfile un jean délavé, un blouson usé. Et une fois dans les sous-sols de la banque, j'empile le butin dans un sac prisu. Je me sens comme si j'avais fait un casse. Ça s'annonce croquignolesque. Bah oui, ça s'annonce croquignolesque alors. Oui, non, c'est amusant. Alors moi, je fais Patrice Demastre. Oui. Et c'est celui qui est connu pour avoir demandé un petit bateau. C'est le gestionnaire de fortune de Liliane Bettencourt. Un petit bateau. À 19 mètres. Quand même. Voilà. Ah oui, je pensais à un slip petit bateau. Voilà, donc ça s'appelle Bettencourt Boulevard ou une histoire de France, une pièce de Michel Vinavert. Je signale que le texte est paru donc à l'Arche. On l'a entre les mains. Et puis bah, vous serez au TNP de Villeurbanne du 19 novembre au 19 décembre. Et puis en 2016 au Théâtre de la Colline. Ah oui. Et ce sera du 20 janvier au 14 février. J'aurai l'occasion de vous rappeler les dates. Pendant cette émission, vous êtes bien dans Si tu écoutes, j'annule tout. Tiens, s'il y a une pièce sur Claude Guéant, décor facile, un huis clos en garde à vue, avec deux tableaux sous-scellés. Par contre, il y a au moins 6 ou 7 actes, hein, parce que c'est pas fini. Voilà. Et en attendant, bon, musique. Uno, dos, one, two, tres, cuatro. C'était pas Sam de Shaman de Pharaos. Notre technicien vient de sauter sur sa chaise. On l'embrasse, Eric. Merci. Allez, à suivre dans 10 minutes. Nous aurons Nicole Ferroni. Autour de cette table, Alex Vizorek. En l'occurrence, Nicole Ferroni, ce qui tombe bien. Samien Boidi, Guillaume Meurice est là aussi. Et qui aura rencontré de l'ambassadeur. Ah oui, alors là, il y a du lourd aujourd'hui. Il y a du lourd. Et nous sommes en compagnie de Jérôme Deschamps, qui vient nous parler notamment de la pièce Bettencourt Boulevard. Et on se disait, tiens, Balkany Boulevard, ça pouvait le faire aussi. Guéant Boulevard, il y en a plein. On en trouve. Ah, Cahuzac Boulevard. Voilà, une info à gauche, comme ça. Ouais, on pourra en faire une tous les mois. C'est formidable. Et pour l'instant, les maîtres mots de cette deuxième saison, on l'a dit hier, c'est du contenu, de la nouveauté, hein, muscler les programmes, bien sûr, de cette grille de programmes. Et donc voici le journal, presque 17h17. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Voici les titres de cette édition. Bourse de Pékin, tout le monde fait semblant de découvrir que la Chine a des valeurs en mousse et des actions en plastique. Attentat. Claude Guéant a donné son avis sur les contrôles pour déceler les terroristes, alors qu'aucun terroriste n'a jamais évoqué les contrôles pour déceler les fraudeurs. France, du rififi au Front National, notre envoyé spécial a assisté à un dîner de famille hier soir chez les Le Pen. Et ce matin, il nous a demandé de repartir couvrir l'Afghanistan, une zone de conflit où il se sent beaucoup plus en sécurité. Et on commence par le drame en Chine qui touche toutes les franges de la population. Figurez-vous que l'homme le plus riche de Chine a perdu en une journée 3,2 milliards d'euros. On peut le dire, la journée de merde. Imaginez quand il est rentré à la maison et que sa femme lui a demandé comment s'était passée sa journée. Courage, bonhomme. France à présent. Oui, Claude Guéant était l'invité de BFM TV. Hier, il s'est exprimé sur les contrôles dans les transports en commun. Contrôles discriminatoires. Il nous parle même de son expérience. Ah, il a vu quelqu'un être discriminé. Non, ah. Il a lui-même été discriminé. Mais vous savez, la discrimination, ça existe dans tous les sens. Hein. Moi, je me souviens, un jour, j'étais contrôlé dans le RER. Il y a tout un tas de gens qui escaladaient les portiques, etc. J'étais le seul en costume cravate, j'étais le seul à être contrôlé. C'était aussi discriminatoire. C'était très facile de me contrôler. Voilà, donc si vous nous écoutez et que vous portez des cravates dans le métro, la Halde va ouvrir un numéro vert. Vous pourrez appeler, hein, si vous voulez, qu'on vous aide pour porter plainte. Voilà, passons à l'art pictural, Alex. Oui, hein, de Claude Guéant au tableau de maître, il n'y a qu'un pas. À Taïwan, un jeune garçon de 12 ans a trébuché dans un musée et s'est rattrapé à une toile du XVIIe siècle d'une valeur estimée à 1 300 000 euros. Si vous avez l'occasion d'aller voir les images, c'est cocasse. Alors, du côté de l'homme le plus riche de Chine, il a déclaré « Comment osez-vous vous plaindre pour seulement 1,3 million ?» En revanche, Daesh aurait fait savoir qu'il aimerait que Taïwan soit un peu plus respectueux du patrimoine mondial. Art toujours avec une exposition inédite d'art contemporain dans les rues de Fukushima. « Don't follow the wind », »,« Ne suivez pas le vent », a été inaugurée récemment. Notons qu'au vernissage, personne n'a touché au petit four et à la mousse de saumon. Revenons à la politique avec l'affaire de l'éviction de Jean-Marie Le Pen, qui devient donc un frondeur de l'extrême droite. Alors à gauche, les frondeurs sont plus à gauche que le parti, donc logiquement à l'extrême droite, les frondeurs sont plus à l'extrême dure. Et notons que Louis Alliot, le beau-fils de Jean-Marie, n'aurait pas voté pour son exclusion, sans doute une question d'héritage. C'est bien joué de sa part. En tout cas, Guillaume Meurice, on vous a obligé à retourner à une réunion de famille chez les Le Pen. On s'y rend tout de suite. Guillaume, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Je me suis réfugié dans une partie plus tranquille, car ça chauffe vraiment. On se dit même que Florian Philippot aurait été capturé. En tout cas, les combats continuent. On voit mal comment une sortie de crise est possible. Je vais devoir vous laisser, hein, parce que c'est le plus important. Plus violent ici. Je voudrais simplement, avant de vous quitter, saluer mon confrère qui s'occupe du modem, qui lui, à l'inverse, rêve d'action. Merci Guillaume, soyez prudent. Guillaume. France, on y revient. Carla Bruni a donné pour la première fois son avis sur le livre de Valérie Trierweiler. Oui, c'était dans un talk show aux États-Unis. Elle a dit, je cite, « Elle s'est donc sentie extrêmement seule. Ses difficultés viennent de là, je crois. » Aucune femme n'aurait tenu le choc. Ah, si Nicolas Sarkozy nous écoute, qu'il se méfie bien en cas de divorce. Et enfin le sport. Le sport à Pékin, les championnats du monde. Le champion du monde polonais du lancer du marteau, Pavel Fajdek, était tellement saoul en rentrant à son hôtel après sa victoire que, constatant qu'il n'avait pas d'argent pour payer son taxi, il a payé avec sa médaille d'or. Ce qui fait... C'est un véridique, hein, ce serait bête de l'inventer. Ce qui fait du conducteur de taxi pékinois, le seul chinois à s'être enrichi cette semaine. Et on termine avec le 10 000 mètres féminin. Oui, une américaine a levé les bras trop tôt pour célébrer sa victoire et a été rattrapée sur la ligne par la concurrente qui la suivait. Lionel Jospin lui a envoyé un mot pour dire qu'il connaissait bien cette situation. Voilà, c'est la fin de cette édition. À demain, à presque 17h17. Oh. Nous sommes toujours en compagnie de Jérôme Deschamps. Nous reprenons le cours normal de cette émission. Vous êtes bien sur France Inter. Jérôme Deschamps, premier sujet avec vous. Sur la plage photographiée, Coquillage et Alain Juppé annoncent que c'est bientôt la rentrée. Oui, c'était dans Closer. Et puis, en une de Paris Match cet été, Nicolas Sarkozy, trapu, donc solide, hein, c'est le message. Et allez, genre allez les bleus, mais en short jaune. Une manière de contredire l'âge du capitaine. Il faut peut-être mieux un sexe en forme que, qu'un quinca amorti. Un trio inédit, Véronique, Juppé et Davina, pour illustrer ce sujet. Nicolas Sarkozy l'a annoncé, la bataille pour 2017 se jouera au physique. Une allusion, voilà, légèrement détournée à l'âge de Juppé, tout comme Jospin avait fait une allusion jugée maladroite concernant l'âge de Chirac. Et donc, on montre qu'on tient encore la rampe en maillot, voilà. C'est la mise en scène du corps politique. Je crois que Villepin, il avait donné là-dedans un peu aussi, oui, je crois. C'est vrai. Hein. C'était à la boule. Oui, oui, oui. Et oui. Il sortait des eaux en short. Il était beau d'ailleurs, il était bel homme. Et Jean-Pierre Raffarin serait tenté de le faire. Mais alors, c'est du spectacle comique aussi. Même si ça incarne, le corps incarne la politique, bien sûr. C'est comme. Moi, j'aimais comme mieux Churchill à qui on demandait son secret, qui disait no sport. Et il avait plus l'accent que vous, hein, quand même. Un peu plus. Ouais, un petit peu plus. Un peu plus. Mais moi, c'était traduit, là. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est pour ça. Traduction simultanée. Ah non, mais c'est pour ça. D'accord. Ouais. Alors, je me suis dit, Jérôme Deschamps, peut-être que si vous aviez posé ou convoqué un paparazzi en short sur la plage, peut-être on serait dit, bah tiens, il peut rester à l'opéra comique. Parce que vous avez atteint la limite d'âge. Oui, mais ça, je crois qu'ils s'en foutent. Non, mais je veux dire, c'est. Non, parce que c'était pas la question. Mais c'est alors, la vous règle. Vous êtes artiste. Ouais. Alors, vous êtes encore hyper créatif, plein d'idées. Oui. Et puis, un artiste qui dirige une institution artistique, c'est devenu tellement rare. Oui. Il y a une forme quand même de frustration et on se dit dommage, quoi. Mais écoutez, déjà, je me suis bien amusé. Mais en fait, c'est une règle qui a été inventée par François Mitterrand, qui n'a pas fait que des bonnes choses. Mais apparemment... Ah, il a fait des bonnes choses ? Ben, on le dit. Et on le dit, je le pense un peu d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé ? Il voulait se débarrasser de quelqu'un qui dirigeait France Télévisions ou Antenne 2, qui s'appelait Pierre Desgroppes. Mm-hmm. Et du coup, il a décidé de faire appliquer à ses directeurs d'institution la règle qui s'applique aux fonctionnaires. Voilà. Et c'est comme ça que cette règle existe depuis. C'est amusant, non ? Non, ouais, c'est malin. Ça vous fait pas rire, vous ? C'est malin. Si. Non, mais je suis triste pour vous. Très non, surpris d'apprendre grave, quelque chose dans cette émission. Ça nous a mis une énorme Deschamps, qui a quitté l'opéra comique avec les mousquetaires au couvent, oui, que vous pourrez voir sur Arte très bientôt, et du 27 décembre au 31 décembre à Toulon, ouais, où vous allez rejouer. C'est une musique plutôt joyeuse. Ah ouais. Et alors, on a rigolé sur le sujet, mais si le sujet du corps en politique vous intéresse, je vous renvoie à un podcast de l'Atelier du Pouvoir. Ah. C'est un podcasté sur France Culture, clin d'œil à nos confrères, en date du 14 décembre dernier. C'est intéressant, il y en a tellement. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont invité Roselyne Bachelot. Mais elle explique qu'elle avait rencontré Hillary Clinton et qu'Hillary Clinton, si elle a un conseil à donner aux femmes politiques dans la relation au corps, c'est jamais de sac à main. Et on comprend quand on voit Bernadette Chirac que c'est un bon conseil. Allez, à cette heure-ci sur France Inter, une petite page scientifique avec Nicole Ferroni. Écoutez, moi, exceptionnellement, j'ai décidé aujourd'hui d'écouter un petit peu le cerveau manchot de cette équipe, à savoir Claire-Sophie Collet, hein, c'est-à-dire que c'est la personne qui programme les invités mais qui ne leur tient jamais le micro, et qui me disait, oui Nicole, pourquoi tu ne ferais pas une chronique sur la COP21, c'est la conférence mondiale du climat, elle aura lieu à Paris, c'est un bon sujet. Et comme je me disais qu'effectivement c'est quelque chose d'un petit peu obscur, très lointain pour la majorité des Français, alors que ce sont justement les Français qui allons l'accueillir, et mettons-nous un petit peu au parfum pour ne pas être plus ridicules aux yeux du monde que ce que nous le sommes déjà. Donc la COP21, qu'est-ce que c'est ? Et si on se réfère au site internet très clair du gouvernement cop21.gouv.fr, c'est donc cette COP qui est à la fois une COP CMP qui se fait dans le cadre de la CNUC, CCNUUC, c'est-à-dire Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, et ce sigle COP, COP, fait référence, comme l'explique le site, à l'expression générale conférence des parties, terme à mon avis très peu judicieux puisque ce nom de partie désigne les pays qui ont signé la fameuse convention au sommet de la Terre de Rio en 94, alors que pour moi justement ce ne sont pas des pays qui sont partis mais bien qui sont restés autour de la table pour discuter du sort de la planète. Donc pour moi cette COP ne devrait pas être la conférence des parties mais bien la conférence des restés, et donc ne plus être une COP, pas la COP, mais l'accord, surtout que justement c'est le but de cette conférence, trouver l'accord entre tous les pays qui permettra de contenir le réchauffement climatique en dessous des 2 degrés. Alors, au début, j'ai trouvé ça très malin de la part de François Hollande d'avoir programmé cette COP en plein hiver, au mois de décembre, parce que je me dis que d'ici là, forcément, les températures vont chuter et que du coup, à défaut du chômage, ça lui aura au moins fait une courbe qu'il aura réussi à inverser. Mais en fait, non, ça ne marche pas, puisque c'est la moyenne globale annuelle de la température qui compte. Et pour cette année 2015, année la plus chaude de l'histoire depuis l'histoire des mesures de température, 1880, et ben le réchauffement est déjà de plus 0,8 au-dessus des moyennes, d'où bien sûr la nécessité de diminuer au plus vite les émissions de gaz à effet de serre, à savoir dioxyde de carbone, méthane, ozone, qui sont responsables du réchauffement climatique. Alors il y avait d'abord bien sûr cette idée de colmater le tube digestif des vaches avec du plâtre et du mastic pour qu'elles cessent de libérer par leur paix du méthane dans l'atmosphère, sauf que non seulement c'est illégal et puis c'est trop peu surtout, puisque l'essentiel du réchauffement climatique est lié aux émissions de dioxyde de carbone, elles-mêmes liées aux activités industrielles des pays. Or, aucun pays n'a envie de diminuer son activité industrielle, de peur de mettre sa situation économique en péril. Donc du coup, la COP21 doit être avant tout une conférence de négociation entre les nations. Et donc, les instances organisatrices de cette COP ont décidé de faire venir 40 000 personnes étrangères sur le sol français qui ont l'expérience des problèmes climatiques. Alors quand je dis expérience, j'entends théorique, hein, pas pratique. Il ne faut pas confondre les diplomates qu'on reçoit à la COP21 avec les migrants érythréens et soudanais. Alors c'est vrai, ok, les migrants ont une expérience, voilà, ont l'expérience des moyens de locomotion écologique, très inspirés par des pratiques de recyclage, donc plutôt énergie propre, même si ce sont surtout des sales types qui les conduisent. C'est vrai que la plupart des migrants voilà, sont directement concernés par les problèmes climatiques, hein, on pense aux sécheresses, famines, au Soudan, en Érythrée, etc. Mais c'est pas parce que tu subis le réchauffement climatique que tu le vis, que tu l'incarnes dans ton désespoir et ton exil, que tu es habilité à en parler. Non, si tu veux en parler, il faut un badge, une référence aussi, un costard. Et ça, le site de la COP21 est très clair. L'accès à la zone bleue des négociations de la COP21 sera réservé uniquement aux personnes accréditées par le secrétariat général de la CNUC. Et le problème avec les migrants, c'est que si on leur donne des badges, à force de dériver en Méditerranée, forcément, je pense qu'ils finiraient par l'abîmer, le badge, et ça créerait un flou à l'entrée. D'où cette bonne idée de la part du ministère des Affaires étrangères, organisateur de la COP21, d'aller chercher d'autres étrangers en avion, donc un avion moyen, polluant et cher, et bien sûr de faire sponsoriser le tout par des entreprises comme Total ou d'autres entreprises polluantes qui ont besoin de se racheter une étiquette et en plus de participer aux négociations. Alors bien sûr, vous, Français, comme Sylvain François, voilà, comme vous n'aurez pas le droit d'assister aux négociations de la COP, il vous reste à faire votre auto-COP et à tenter d'aider la planète en tout simplement mangeant local, mangeant moins de viande, en éteignant la lumière en partant et en arrêtant de jeter des mégots par terre. Et peut-être que la Terre vous dira, comme Valérie à François, merci pour ce moment. Voilà. Merci. Nicole Ferroni, on peut peut-être donner un conseil de service public à nos auditeurs pour participer à la COP21. Un petit geste simple à faire chez vous. Arrêtez de manger du cassoulet jusqu'au 31 décembre, par exemple. Et, pour les émissions de gaz et puis pour la consommation de viande. Exactement. Qui est très consommatrice d'eau aussi. Oui, vous êtes sur le service public, hein, donc on vous aide, voilà. Avec Jérôme Deschamps qui est avec nous jusqu'à 18h. Jérôme Deschamps qui va dormir à Radio France puisque vendredi, il sera aussi chez Fabrice Drouel dans l'émission consacrée à Jacques Tati. Ah, je sais pas. Une affaire sensible. Ah, vous savez pas? Bah, je vous fais l'agenda. Il est content. Bah, ouais, sachez-le. Tu tombes tant amoureux de tes yeux, de tes reins, dans la peau de ton dos. Le jour où moi, Pierre, des clous à 200 sans un bruit de côté m'a fauché ton auto. Lorsque tu t'es penché sur mon corps immobile qui gisait sur l'asphalte, je n'avais plus de sang. Le spectre de la mort qui relait tout autour se faisait menaçant. Mon cœur ne battait plus, et c'est en le massant que tu me plus le plus. De même qu'en m'embrassant, je ne respirais plus, j'ai pu savoir ton goût. Le goût insignifiant d'une femme le plus dont de toute façon je ne verrais le cul. Mon heure et je n'attends le point de servir le surin à cette vie de chien, à cette vie de peur, à cette vie de rien. Je sens que je me meurs, je sens que je me meurs. Mes yeux à l'agonie ont cru voir de l'amour couler au fond de toi. Mais s'il est un peu tôt pour dire que c'est toi, il est déjà bien tard pour faire quoi que ce soit. Pour faire quoi que ce soit. S'il arrivait un jour que nos âmes déchirées se retrouvent enfin, en guise de merci, j'offrais en retour un massage des seins, mon dernier ami. Mazounte, c'est la playlist France Inter avec notre programmateur musical Djoubaka. Autour de cette table, Alex Vizorek. D'abord notre invité, Jérôme Deschamps, qui s'est inscrit pour le badge de la COP pendant le disque. Nicole Ferry, Samir Bouadi et Guillaume Meurice, qui est allé se goinfrer de petits fours, si je ne me trompe. On va voir ça, Alex. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du rayonnement international de la France, de tous ces Français qui partent exporter notre savoir-faire à l'étranger. Bernard Arnault, par exemple, un patron de LVMH, gros savoir-faire en matière de sacs de vieilles, qui part en Belgique, par exemple. Certains jeunes Français qui ont de gros savoir-faire en matière de tir de précision, qui partent en Syrie, hein, bravo les gars. Mais il y a aussi celles et ceux qui représentent les institutions françaises, les fameux ambassadeurs. Alors, cette semaine, le ministère des Affaires étrangères organise la semaine des ambassadeurs. Comment accéder à cette profession? Voyons ça avec Nicolas Chapuis, ambassadeur de France au Canada. Le parcours d'un diplomate repose avant tout sur une vocation. Et pour vous, ça a toujours été une vocation? Toujours, absolument. Depuis petit, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien passer mes soirées à manger des petits fours. D'abord, il n'y a plus de petits fours. Mais qu'est-ce qu'il offre à manger, alors? Comme chacun, il peut manger au resto du coin. Voilà, alors sachez-le, si vous êtes reçu à l'ambassade de France au Canada, apportez votre sandwich ou rendez-vous au bar tabac chez Mimille, rue du Caribou en Rute. Les soirées de l'ambassadeur, décidément, c'est plus que c'était. D'ailleurs, les ambassadeurs eux-mêmes ont évolué, n'est-ce pas, monsieur Chapuis? Aujourd'hui, le diplomate, vous les verrez plus présents sur les réseaux sociaux que dans les salons d'ambassade. Ah, c'est vrai? Vous êtes vous-même sur Twitter et Facebook? Absolument. Vous tweetez, vous retweetez? Absolument. Vous likez? Et je like. Je suis un ambassadeur numérique. Un ambassadeur numérique, virtuel, c'est moderne. Alors, la paye, par contre, n'est pas virtuelle, hein, évidemment. Hein, de 8 000 à 9 000 euros net par mois pour jouer à Candy Crush, hein, c'est pas mal. Alors, vous me voyez venir, évidemment, avec mes gros clichés. Ambassadeur, c'est payé à rien foutre, etc. Eh bien non, hein, pas du tout. La preuve avec Jean-Marie Bruno, ambassadeur de France à Cuba. Alors, comment se passent ces journées? Quelles sont ses missions? La première de ces missions, je ne dis pas c'est nécessairement dans l'ordre, hein, mais c'est de s'informer sur ce qui se passe. Donc prendre connaissance de la presse, les choses sur Internet, une petite revue de presse, et partager ça avec les collègues de l'ambassade pour vérifier qu'on ne loupe rien d'important. Voilà, alors au début on part sur un gros rythme. Donc première chose, on arrive au bureau le matin. À mon avis, à Cuba, il n'y a pas des masses d'organes de presse. Il y en a un. Mais bon, on se renseigne ce qui se passe en France. On lit Le Parisien, par exemple, et puis on va boire un café avec les collègues pour voir si on n'a pas loupé une info importante. Une chute de neige en hiver, un conseil bronzage en été, le dernier frottis de Nabila, enfin les infos du Parisien, quoi. Mais bon, il reste une journée à tenir quand même. Alors qu'est-ce qu'il fait d'autre, Jean-Marie? Ça dépend des jours. Il y a des jours où on a des démarches à faire. On a souvent un événement culturel à présider ou à animer. Voilà, donc trois papiers à signer et puis il faut se rendre au Palais des Sports de la Havane pour le concert de Bernard Lavillier, hein, le 12e de l'année. C'est pas facile. Pas facile comme métier ambassadeur, surtout dans une dictature comme Cuba. Hein. Voyons plutôt dans une démocratie, une vraie, le Turkménistan. Alors, il n'y a qu'un seul parti, mais c'est une démocratie, hein, les gens votent quand même. Nicolas Sarkozy en a rêvé, le Turkménistan l'a fait. Alors, Patrick Pascal, l'ambassadeur de France dans ce charmant pays, fait aussi des démarches, hein, des animations, mais pas seulement. On s'occupe beaucoup des entreprises françaises. Il y a des grandes entreprises très connues, les Bouygues, Vinci, Thales, Airbus, hélicoptère, Schneider Electric, Lagardère, Total. Vous voyez, que des philanthropes, quoi. Oui, mais c'est important. Et puis, si vous parlez de philanthropie, ça fait partie de leurs activités. Il y a des financements pour des activités culturelles que ces entreprises nous permettent de réaliser. Donc s'il y a un gala de danse au Turkménistan, c'est possiblement financé un petit peu par Total. Il faudrait voir, mais pourquoi pas. Voilà, bah c'est bon à savoir. Hein, si vous allez voir le lac des cygnes au Turkménistan, hein, si les cygnes sont mazoutés, bah c'est parce que Total a mis du pognon dans le spectacle. Alors, puisqu'on parle des étrangers qui vivent hors de France, il faut parler aussi des étrangers qui viennent en France, qui fuient les dictateurs, par exemple. Et figurez-vous que, alors complètement par hasard, j'ai croisé au ministère des Affaires étrangères le sans-papier le plus célèbre de France, vous le connaissez évidemment. Non. Et oui. Tiki ? Stéphane Tiki. Et oui. Mon idole. Et oui, il était là, hein, le Camerounais, ancien leader des jeunes UMP, viré faute de papier en règle. Alors il était là en simple visiteur, mais pourquoi faire ? Écoutez, c'était intéressant de venir ici pour rencontrer les ambassadeurs et apprendre un peu de leur expérience. Bon, est-ce que vous allez en profiter pour refaire vos papiers ? Je ne répondrai pas à cette question. Ah non, on veut savoir. Pas tout de suite. Prenez votre mal en patience et vous saurez au moment venu. Mais on brûle de savoir, Stéphane. Les occasions de rire sont tellement rares. On attend ton retour avec grande impatience. D'ailleurs, est-ce qu'il fait toujours partie de la droite forte, hein, cette branche quelque peu radicale des Républicains ? Bien sûr, toujours. C'est ma famille politique. J'ai pris beaucoup de plaisir à présider le mouvement. Vous pensez toujours qu'il y a trop de sans-papiers, alors ? Jamais dit qu'il y avait trop de sans-papiers. Vous savez très bien. J'ai jamais dit... Je ne suis pas là pour pouvoir juger trop, pas assez, voilà. Voilà, non, il ne l'a jamais dit, il a juste lancé une pétition contre le vote des étrangers. Il dénonçait régulièrement l'immigration clandestine. Rappelons également que la fameuse droite forte a été créée par son copain Guillaume Pelletier, ex-Front National. Voilà, donc j'aurais volontiers conclu en pointant du doigt ce paradoxe d'un étranger au relent xénophobe, mais je ne le ferai pas, hein, préférant rendre hommage à cette semaine des ambassadeurs en faisant preuve d'un peu de diplomatie. Merci Guillaume Meurice, Tiki, qui aura bientôt beaucoup beaucoup de papiers. Étant donné qu'il écrit un livre. Ah ben voilà. Je mets ça dans la presse. Parce que c'est vrai que son histoire est tellement fascinante. Ça mérite un bouquin. N'est-ce pas, Jérôme Deschamps? Une pièce de théâtre. Bah oui, une pièce de théâtre. Tiens, on va demander à Michel Vinavert de faire un Tiki Boulevard. Comme il a écrit un Bettencourt Boulevard ou une histoire de France. Que vous allez jouer. Tiens, je profite pour rappeler les dates. Ce sera au TNP de Villeurbanne du 19 novembre au 19 décembre. Et puis en 2016, vous serez au Théâtre de la Colline. Ce sera du 20 janvier au 14 février. Diplomatie toujours. Tiens, dans cette semaine des ambassades avec la diplomatie française qui fait des affaires. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères est devenu en option. C'est ça. Voilà. Donc tous les représentants de la France à l'étranger sont réunis à Paris, notamment pour participer à un speed dating, rencontre express montre en main avec entreprises PME pour vendre de la cam à l'étranger, quoi. Il ne faut pas oublier que la France a quand même été, si vous voulez... quand même a été quand même un espèce de quelque chose qui a été quand même assez essayer de faire de la France quand même d'apporter quelque une note de prestige du prestige. C'était le porte-parole du ministère des Affaires étrangères et sa fluidité légendaire. Alors la diplomatie française, bah, c'est aussi par exemple le tourisme, faire venir le plus de touristes possible pour faire rentrer du cash. On a battu le record, 8,5 millions de touristes en France. Il suffit de voir les bus dans Paris, hein, c'est le salon du bus tous les jours. Ah, vous avez dit et... je pensais que c'était la Belgique. Il y a le roi d'Arabie Saoudite le... qui est pour la moitié. Il y a le speed dating des ambassadeurs et des entreprises. Alors c'est comme ça qu'on poussière la diplomatie française, Jérôme Deschamps. Ben, c'est-à-dire que depuis qu'on a le téléphone, en fait, il fait un petit moment, et la politique se fait plutôt à l'Élysée, à Matignon, et au Quai d'Orsay que chez les ambassadeurs, je crois. Mais c'est bien qu'ils s'occupent en même temps. Et vous savez, le speed dating, ça peut être pas mal. Ça, il peut naître des histoires d'amour. C'est bien, ah bah oui. Mais vous avez tout à fait raison. Ah bah tiens. Vrai. Vous en avez déjà fait Non, mais j'ai entendu. Vous savez, il y a eu une histoire comme ça. Il y avait une chose qui s'appelait l'Association française d'action artistique qui dépendait du Quai d'Orsay. Et on avait nommé, je crois que c'est Mitterrand encore, tiens, qui avait nommé Catherine Clément. Et alors, ça avait fait un scandale épouvantable parce que elle avait pas les diplômes ou je sais pas quoi. Et du coup, des gens de droite et en particulier un type, ça devait être au RPR, l'attaquait mais épouvantablement à l'Assemblée nationale. Mais c'était affreux. À chaque fois, il montait au créneau pour la démolir. C'était une espèce de loque, de pauvre femme misérable et tout. Alors, je lui ai dit, mais qu'est-ce qui c'est terrible? Ce qu'il m'en veut, ce type-là, c'est abominable. Je lui ai dit, alors un jour, elle lui a demandé un rendez-vous. Ils sont tombés dans les bras et ils ont vécu quelques dizaines d'années ensemble. Oh, c'est follement c'est amoureux. Beau. C'est joli, non ? Mais ouais. C'est pour ça que le speed dating, c'est pas mal. Vrai. Bon, alors, la leçon quand même aussi, c'est qu'en face de tout ça, il y a quand même un article dans Le Monde daté d'aujourd'hui de Jean-Marie Fardeau, qui est directeur de Human Rights Watch en France, et qui rappelle que François Hollande était invité d'honneur du président égyptien Sissi pour l'inauguration de l'élargissement du canal de Suez. Autre philanthrope, Sissi, bien sûr. Ça, c'est, oui, voilà. C'est parti de nos copains. Puis il y a des relations amicales de François Hollande aussi avec l'Arabie Saoudite, où, accessoirement, il y a quelques exécutions capitales. Je peux vous parler de l'Azerbaïdjan aussi, mais on va arrêter la liste. Voilà. Si vous remettez en cause l'amitié sincère des gens, où va-t-on ? Oui, où va-t-on ? Alors, pour apaiser tout cela, Jérôme Deschamps, je vous propose de laisser la parole à Samir Bouadi, à la poésie. Élevons-nous un peu, parce que tout ça nous tourmente. Ben oui, alors un peu de poésie, merci. Un peu de poésie, un peu de poésie en Chine, parce que vous n'êtes pas sans savoir que se déroule, on en a parlé tout à l'heure, le championnat du monde d'athlétisme. Alors, c'est passionnant, parce que finalement, l'athlétisme, dans toutes ses variantes, c'est l'essence du sport, mes amis. Plus vite, plus haut, plus fort. Et la devise olympique va comme un short de sprinter ou de sauteuse en longueur chez Alex à ces disciplines. Ah, le dépassement de soi, mes amis. Ah, ces images du Usain Bolt qui terrasse l'Amérique, qui coud le drapeau jamaïcain en piquant ses aiguilles sur la peau de chagrin de tous ceux qui se prennent les pieds dans sa moquette. Qu'il ne fume pas, semble-t-il, même s'il a la décontraction d'un Bob Marley. Eh oui, il n'est pas jamaïcain qui veut sa décontraction. Bah, décontraction, justement, parlons-en. Hein. Renaud Lavillenie en a joué hier. Hier, avant-hier et encore avant-hier, présenté légitimement comme le favori du concours de perche, il est passé à côté ou plutôt en dessous. L'échec est d'autant plus incompréhensible qu'il rate 5m90 alors qu'il est l'homme le plus haut du monde à 6m16. Bah, c'est ça le sport. Un jour, t'es au-dessus et le lendemain, bah, t'es nulle part. Alors vous me direz, hein, c'est une leçon d'humilité et Renaud Lavillenie l'a prise comme le grand champion qu'il est, cette leçon. Froidement, fièrement, sportivement. Comme quoi, s'entraîner à Clermont-Ferrand en Auvergne, terre de volcan, ben ça rend humble. Hein. Valéry Giscard d'Estaing le sait bien, lui qui a créé Vulcania, sorte de parc d'attractions pour Haroun Tazieff, sauf qu'il est mort, Haroun Tazieff, au cœur de l'Auvergne sauvage. Ben, c'était il y a quelques années, après un célèbre au revoir. Humble comme une promesse de retour et long comme une perche tendue à un destin qui tarde à sourire à nouveau. Ah, Renaud Lavillenie et cette décontraction toute giscardienne. Le problème avec les certitudes, mes amis, c'est qu'elles ont tendance à nous trahir, comme cette main qui n'accroche plus à cette perche, comme cette course pas assez véloce qui ralentit la montée, comme ce foutu genou qui vient bouger la barre alors que la verticale, le bassin, est largement au-dessus. Elle ou soit à la perche, c'est passionnant parce qu'on y croit jusqu'au bout et que le verdict est presque indépendant du geste. La décision se fait au gré d'un vent mauvais et on a souvent l'impression d'une injustice. Et c'est vrai que c'est une injustice pour Renaud Lavillenie. Mais dans son malheur, il a de la chance, ce Renaud. Hein, quand il s'élance sur la piste de décollage, il n'entend rien. Il échappe au hurlement de Patrick Montel. Et ça n'a pas de prix. Hein. Ça vaut de l'or, en médaille ou pas. Il n'a pas à se fader des saillies aberrantes. Il n'a pas à supporter des lapalissades comptables du style. Il a 28 ans et il en aura 30 dans 2 ans. Ah, Patrick Montel et son enthousiasme communicatif. Ah, Patrick Montel et sa capacité à contredire des consultants moult fois médaillés qui n'osent pas lui dire que la passion ne rend pas légitime. Je plaisante, Patrick, on déconne quoi. Ah, c'est que du sport, ça va. Alors, pour revenir au sport, justement, hein, la question que pose l'échec de Renaud Lavillenie est la suivante. Lorsqu'on est au sommet, est-il courageux ou simplement dangereux de continuer à vouloir planter sa perche en politique comme en sport, la question reste ouverte. Samir Bouadi, merci. Avec plaisir. C'est toujours sur France Inter en compagnie de Jérôme Deschamps. Et on va aborder le troisième sujet de cette émission. Sujet de fond, vous l'aurez compris, on a beaucoup de sujets de fond. Il a été bien. Non, mais je vais juste dire un mot sur Patrick Montel parce qu'il a fait un truc très joli. C'est lui qui a commenté la finale du 100 mètres qu'a gagné Usain Bolt et il a décrit toute la course comme s'il la perdait. Il a dit oh le mauvais départ, oh il est dominé, par Gattena, il termine mal, ah il a gagné. Il a été repris, on lui a dit mais il était très bien parti. Oui mais ça vient. Je vais vous dire là d'où je suis, là en fait on se rend pas bien. Alors oui, c'est pour ça. Il était derrière le pilier peut-être. On voyait pas bien. C'est bien l'entretien, le suspense. Du grand Patrick Montel. Du grand Patrick. Non mais il avait décidé. Ça donne envie de l'inviter. Je pense qu'on va l'inviter. Mais il faudrait l'inviter parce que jusqu'à la dernière seconde, il a dit il perd. Mais c'est vrai, hein, ouais, donc, ça, bien sûr. Perd. Enfin, dernier, dernier centième de seconde. Ça se il a donné la victoire à Vico, le français. Voilà, voilà. C'est un art, passons à l'art, par exemple. L'artiste Banksy a créé une parodie de Disneyland, Dismaland, un parc d'attractions décadent. Alors désolé, mais ça existe déjà. Eh, déjà fait, c'est un... on l'a retrouvé ça dans un document de la RTBF oui. qui en atteste, écoutez. Paul Nathorp est le fondateur et l'actuel directeur de Disneyland Albany, qui a déjà attiré plus de 60 visiteurs en un an et demi. Il faut dire que c'est un univers assez magique. Le gigantesque parcours sur rail, qui au dire de ceux qui l'ont essayé, sera encore plus enivrant lorsqu'il y aura des wagonnets. La rivière sauvage, dans laquelle l'arrivée de l'eau sera la bienvenue. Mais tant qu'il n'y a pas d'eau, le manque de barque ne se fait pas trop ressentir. Et enfin, le clou du parc d'attractions, la pointe de la technologie moderne, c'est la Lada 1500 montée sur quatre parpaings et dans laquelle les visiteurs peuvent s'asseoir. Philippe Geluck sur la RTBF Radio. Et c'est pas si loin du parc d'attractions de Banksy. C'est vrai, vous avez raison, qui s'appelle Dismaland, un mélange de Disney et du mot lugubre en anglais. Alors, parmi les attractions, il y a une agence de prêt d'argent de poche pour les enfants, qui pourront ensuite s'endetter, bien sûr. Les guichetiers ont des oreilles de Mickey qui tirent la gueule. Enfin, c'est les guichetiers qui tirent la gueule, pas les oreilles. Cendrillon suit le destin de Lady Di, son carrosse s'est renversé, son château est en ruine. On a l'impression que c'est quand même un bon coup de boule artistique envoyé au capital. J'imagine que vous n'avez pas échappé à cette information, Jérôme Deschamps. Parce mais j'aime bien parce que ça, y a rien de plus triste que ces loisirs organisés et tout ça. Et donc je crois que le Futuroscope avait déjà, Vulcania. Alors, Vulcania, c'est bien. Le Futuroscope. J'ai lu un truc l'autre jour formidable. Ça faisait une demi-page. J'étais un peu en province et parce qu'il y a un type qui gratte. Depuis quelques dizaines d'années, il paraît qu'il gratte un truc qui s'appelle le Calbol. Je ne connaissais pas le Calbol. Ben, c'est un jeu, il faut gratter. Ah, ah, oui. Alors, oui. Une ou deux fois déjà, il avait gagné des lots, il avait gagné des lunettes de soleil. Et puis là, tout d'un coup, il a gagné deux jours au Futuroscope. Oh. Alors, oui, mais vous ne comprenez pas pourquoi il y a un article. C'est parce que il a la formation. Ah, l'information est forte. Ah oui. Mais c'est vrai. Il a donné ses places à Cathy, qui est son aide-soignante. Ah bah oui. Ah. Et en fait, moi je me disais bon bah c'est bien, il faut une demi-page parce que c'est quand même généreux en un sens. Et en fait, quand on lit bien l'article, c'est en fait qu'il y avait déjà été avec sa femme, mais il s'était embêté. Alors il voulait pas y retourner, donc ils l'ont donné à Cathy. Mais Cathy, elle a bien aimé ou pas? Bon, on sait pas. On sait pas. Appeler. Faudrait faire un autre article. Faut appeler. Ouais. Bah, ou une autre pièce de théâtre. Bah voilà. Comment s'appelait le quoi? C'était quoi le jeu? Le Calbol. Bah le Calbol Boulevard. Bah, ou voilà. Une histoire de France. On va appeler Michel Vinavert. On va voir s'il peut faire quelque chose. Alors après, il y a aussi un autre concept, c'est l'artiste lui-même, Banksy, un artiste mystérieux dont on ne sait rien. Enfin, on sait vaguement qu'il aurait une quarantaine d'années, il se déguise, il ne sort pas d'une école d'art et il commente la société. Aujourd'hui, dans la société de l'image, où tout le monde a envie d'avoir son quart d'heure de gloire, etc., le type qui passe qui veut pas dévoiler son identité, c'est le Daft Punk. C'est un peu ça, oui. Ça vous parle aussi, ça, Jérôme Deschamps, ce contre-pied-là? Non, mais je trouve ça bien qu'il ait fait ça, parce que c'était terrible, les parcs d'attractions. Enfin, je sais pas. Vous avez jamais mis les pieds dans un parc d'attractions? C'est à la joie de vivre ce que Dodo la Saumure est à l'amour. En revanche, lui, à la joie de vivre, il y a un vrai lien. Oui. Ah oui, hein, c'est vrai. Oui. Dodo. Parce que c'est un ami personnel d'Alex Vizorek. Oui, c'est vrai, non, mais tout est cohérent. Le prix d'entrée, c'est 4,50 €. Il vaut mieux aller là-bas qu'à Disneyland, où là, c'est quand même, on y laisse un bras, ça, quand même. Sûr. On y laisse un bras. Ça n'en est pas moins le Disneyland de l'art contemporain, d'une certaine manière. Oui. Si on veut aller un cran plus loin. Mais il avait vendu ses toiles sans dire que c'était les siennes à New York. C'est l'histoire. C'était il est assez dingue. Happening. Il arrive. Ouais, formidable. Alors, voilà, moi, je pense que c'est Stéphane Tiki, ce Banksy. Oui, ça peut être. C'est une vraie possibilité. C'est qui sont les meilleurs. Il a fait appel à 50 artistes. Donc, c'est lui qui a orchestré la chose. Il y a 50 artistes. Écoutez, ça a l'air très rigolo. Je sais pas si on ira. En tout cas, à taper le, regardez les vidéos parce que c'est. Je pense qu'on a abreuvé l'article et le reportage sur le sujet. C'est difficile de passer à côté. Il y a un autre moment dans cette émission qui était un moment, une pièce de boulevard aussi. Voilà, j'aimerais bien comme Banksy ne pas donner mon nom quand je donne le texte à l'invité. Mais voilà, petit sketch dans lequel on vous a donné un rôle comme à tous les invités qui passent ici. La crise en Chine a des effets terribles sur notre quotidien et donc voilà, le sketch se déroule dans un restaurant chinois à Paris et on voit comment la bourse de Pékin a des influences. Bonjour monsieur Yuan, comment ça va ? Ça va pas bien madame, pas bien. Ah bon ? Non, c'est la crise. Bah, dites donc, c'est la crise, c'est une phrase en français, pas en chinois. Oui, mais je sais, mais là, la bourse crache et puis il y a tous mes amis qui se moquent de moi. Mais pourquoi, monsieur Yuan ? Mais parce que je porte le nom de la monnaie. Ah bah oui, enfin, si, moi je m'appellerais euro, on se moquerait de moi aussi. Hein, bon, alors, écoutez, moi je vais vous prendre un 15, un 65 et un 114. Ben, après, je voulais vous prévenir que le 114, il a aussi été dévalué. Ah bon ? Ah bah oui. Ben, si vous voulez, on n'a plus en stock de la viande de qualité, tu peux dire. Ah là là, mais ça va, c'est pas si grave. Bah, j'ai un peu les moyens de faire venir du lévrier. Elle, la boîte d'eau, elle est trop chère. Ah non, attendez. Vous voulez dire que vous servez vraiment des chiens ? Non, hein ? Non. Bah, c'est les clients. Ah oui, non, mais bah, je veux dire, vous cuisinez des chiens, quoi. Non, ça s'appelle aux chiens chauds, il n'y a pas d'arnaque. Allez, sauter une ligne. Je vous la refais. Oui, enfin, non, mais je veux dire que vous cuisinez des chiens, quoi. Ah oui, comme après, j'ai toujours été pauvre, puis j'achète des chiens, je cuisine des chiens, je mange des chiens, je vis des chiens. Mais c'est de l'arnaque. Mais non, ça s'appelle, j'ai déjà dit, ça s'appelle au chien chaud, il n'y a pas d'arnaque. Oui, non, mais attendez, parce que moi je pensais que c'était juste un jeu de mots avec hot dog, chien chaud. Mais non, moi je déteste les jeux de mots, moi. Ah bon, ça fait pareil. Et la viande que vous vendez, alors? Bah, on va être obligé de se rabattre sur les pagnoles. Et puis des bassets, puis à partir de la semaine prochaine, du bâtard. Ah bah attends, vous savez quoi ? Moi, je vais plutôt prendre de l'aileron de requin, alors. Ah ouais, mais là aussi, c'est la crise, hein, c'est ça, la nageoire de morue. Hein ? La nageoire de morue ? Oui. Dites, attendez, vous auriez pas un jambon beurre ? Ah bah sûr, mais c'est avec du vrai jambon. Ah génial, ah, génial, ça fera monter la bourse de Paris, ça. Ah oui. Tout de suite, alors. Ah oui. Vous avez fréquenté du restaurant chinois à Paris. Vous avez juste oublié de demander chauffer, pas chauffer. Ça, c'est chez le traiteur. Ouais. Merci Jérôme Deschamps. Quelle interprétation à la volée, il faut dire quand même que... Les invités reçoivent le texte, il n'y a pas de préparation. C'est vrai, et moi qui suis arrivée à la dernière minute, je n'avais pas lu non plus. C'était l'invité, c'était la double invité. Moi j'étais... L'émission commence là ? Ah non, ça termine. Donc, c'est bien, je suis arrivée au début, ça fait plaisir. Jérôme Deschamps, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Plaisir, double plaisir, parce que vendredi, vous serez chez Fabrice Drouel, hein, 15h, à Faire Sensi, vous nous parlerez de Jacques Tati. Et puis, je rappelle, Bettencourt Boulevard ou Une histoire de France, cette pièce de Michel Vinavert que vous allez jouer, notamment au TNP de Villeurbanne. On mettra toutes les informations sur franceinter.fr. Mise en scène, Christian Schiaretti. Et puis, quoi d'autre ? Bah, Les Mousquetaires au couvent sur Arte, bientôt. Il y a Toulon à la fin de l'année. Bah oui. Merci Jérôme Deschamps. On va se retrouver demain avec Olivier Poivre d'Arvor. Le mot de la fin aux visiteurs du Dismaland de Banksy. Il faut pas oublier que la France a quand même été quand même assez essayé de faire de la France quand même d'apporter une note de prestige. Du prestige.